réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour et bonne rentrée avec France Culture. Nous sommes le mardi 1er septembre, un autre jour est possible, 4e saison de votre réveil culturel quotidien, tous les jours de 6h à 6h30 avec une tête chercheuse par semaine. Et cette semaine, c'est en compagnie de Guillaume Lebeau, spécialiste des romans policiers. On analyse ensemble les raisons du succès planétaire de la saga Millennium. Et tout à l'heure, aux alentours de 6h15, ma collègue Oriane Jeancourt du magazine Transfuge viendra partager ses coups de cœur de cette rentrée littéraire française. Et puis en deuxième partie, tous les jours, vous le savez, c'est un invité de l'actualité culturelle. Aujourd'hui à 6h20, un entretien avec l'artiste John Wan enregistré à Montpellier, où son art urbain, on ne dit plus l'art des rues, est mis à l'honneur et au frais dans un bien joli lieu. Mais pour commencer, tête chercheuse. 3-0-1-7-4. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin à 3 mois de prison. Millennium, autopsie d'un succès mondial, épisode 2. Bonjour, Guillaume Lebeau. Bonjour, et bonjour aux fans de Michael Blomqvist. Et aujourd'hui, nous allons parler de Stieg Larsson, qui est l'auteur de la trilogie Millennium. On aurait certainement dû commencer par là, c'est-à-dire pas vous évidemment, mais peut-être finalement ces éditeurs commencer par se réapproprier en fait l'auteur avant de lancer la conquête du monde son œuvre. Pourquoi je m'en explique. J'ai eu l'occasion donc de travailler sur Stieg Larsson et sur son œuvre, et rapidement je me suis aperçu que sa vie en fait, qui à l'époque je ne connaissais pas, était finalement encore plus fascinante que les 3 romans qu'il a laissés avant de mourir prématurément. Pourquoi? Stieg Larsson en fait a eu une vie qu'on pourrait qualifier d'engagée. Alors l'engagement c'est de plus en plus rare, c'est une denrée rare à l'heure actuelle, et donc quand on est face à un destin aussi fort que celui de Stieg Larsson, on a tendance à se demander si finalement il n'y a pas un lien très fort entre son œuvre et entre sa vie. Sa vie, quand je dis que c'est une vie d'engagement, elle commence dès son adolescence. C'est-à-dire dès l'âge de 18 ans en fait, il va avoir une idée très précise de ce qu'il doit défendre. Il doit défendre très clairement la société contre ses impuretés. Ses impuretés, c'est cette idéologie d'extrême droite qui semble pour lui être une menace très prégnante, très inquiétante. Je pense que Stieg Larsson, très rapidement, a choisi sa vie. C'est assez rare, c'est assez exceptionnel d'être capable, très jeune, de dire voilà, ma vie sera ça et je m'y tiendrai. Et force est de constater avec le recul qu'il a, non seulement il se l'est dit à 18 ans, mais il l'a tenu jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dévié de cette trajectoire qui s'était fixée. Son combat s'est même amplifié avec le temps. Il est passé par différentes phases idéologiques. Il a basculé progressivement de l'extrême gauche à une gauche plus modérée, raisonnée aussi pour des raisons historiques, puisque très clairement il s'est adapté au grand courant de cette prise de conscience que l'extrême gauche avait ses limites et avait aussi ses travers et ses défauts. Mais il se trouve que par exemple à l'âge de 22 ans, après son service militaire, dans les années 70 donc, exactement, il part alors on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore aujourd'hui pour quelles raisons il part. Mais il part en Érythrée. L'Érythrée, c'est la corne africaine. On est donc l'Érythrée lutte pour son indépendance face à l'Éthiopie. Ce sont des femmes rebelles marxistes qu'il va aider à manier l'arme lourde là-bas. C'est-à-dire qu'il y va en tant qu'instructeur. Il n'y va pas comme ça à l'écharpe au vent et simplement pour déclamer des vers face à des rebelles et à enflammer leur fou. Non, il va leur apprendre à tuer. Est-ce que vous sous-entendez, Guillaume Lebeau, que Lisbeth Salander est née dans ce pays-là, sous les traits de femmes combattantes. Alors, Lisbeth Salander est un... C'est un mix. C'est un mix de plusieurs femmes qui ont croisé en fait Stieg Larsson dans son existence. Certainement qu'il y a un peu chez Lisbeth Salander de ces Amazones érythréennes du FPLE, hein, qui étaient donc des rebelles marxistes. Certainement aussi qu'il y a un peu de sa nièce Teresa Larsson, qui était anorexique. Peut-être qu'il y a un peu aussi de cette photographe qui travaillait à Expo, la revue antifasciste dans laquelle Stieg Larsson travaillait. Qu'il a croisé, qui portait un tatouage. Je crois que Lisbeth Salander, c'est en fait, et c'est sa force, c'est toutes les femmes que Stieg Larsson a pu croiser et qui ont pu marquer, en fait, non pas son existence, mais le marquer intellectuellement, le marquer peut-être sensuellement, je ne sais pas, mais Stieg Larsson aimait les femmes, lui. Hein. Il a écrit un roman qui dit le contraire, mais qui prétend le contraire, mais lui, il aimait les femmes. Je pense que Stieg Larsson, dans sa vie, n'a fait que finalement construire Millennium. Et est-ce c'est pour ça qu'il l'écrit tardivement. Mais est-ce que, puisque vous parlez de Stieg Larsson et de son itinéraire, est-ce que ses choix militants, idéologiques, politiques, appelons-les comme on veut, se sont constitués contre un ordre établi chez lui, dans sa famille, ou est-ce qu'il est né dans ce milieu de la gauche libérale ou trotskiste suédois? Il n'est pas né dans un milieu particulièrement politisé, en tout cas pas plus que ça. Il y a un épisode dans son enfance, sa petite enfance, qui est important, c'est que très rapidement, il va aller vivre avec ses grands-parents, donc à Bjørsele, dans la forêt de Bjørsele, qui est au large du Méo. Méo, c'est à peu près 750 km de Stockholm, dans le nord de la Suède. Et il va, en fait, là-bas passer des années à loin de ses parents, qui sont eux à Stockholm, qui pour des raisons, parce que la pression immobilière à Stockholm à cette époque-là est forte, ils ne peuvent pas se payer un appartement suffisamment grand pour héberger leur enfant, ils vont faire comme des milliers d'autres couples suédois à l'époque, c'est-à-dire les donner aux grands-parents pour qu'ils s'en occupent. Donc il va grandir avec un grand-père qui manifestement quand même l'éduque, non peut-être pas politiquement, mais en tout cas lui donne des valeurs humanistes. Et c'est ce grand-père-là qui très clairement marque est le marqueur finalement de cet ADN antifasciste que va porter tout au long de son existence Stieg Larsson. C'est aussi très certainement cet isolement dans cette cabane, puisqu'ils ont vécu dans un petit chalet, un tout petit chalet perdu dans la forêt, qui vont peut-être aussi lui donner une force de caractère, cette force de caractère qui est celle qui est la marque en fait des gens qui se confrontent à la nature et qui apprennent à vivre avec la nature, cette force de caractère qui vont faire que finalement, il ne déviera pas, jamais. Et il sera menacé de mort dans son existence, puisque en tant que journaliste, il a potentiellement eu un contrat sur sa tête, il a échappé à la mort. C'est une époque où on met des bombes dans les voitures des journalistes, hein, à Stockholm, il faut le rappeler. Il a risqué sa vie, il est allé au bout de son engagement. Et je pense que cette partie de son enfance où finalement il a été un peu isolé du monde a forgé à la fois cette identité forte, ce caractère, et très vraisemblablement son grand-père lui a aussi donné les bases de cette idéologie humaniste. Stieg Larsson, de retour d'une Afrique en guerre, va-t-il tout de suite se diriger vers le journalisme, Guillaume Lebeau? Alors, Stieg Larsson revient d'Érythrée. Il y a été malade. Hein, il revient après avoir été gravement malade. Il est rapatrié de façon un peu rocambolesque, passant en fait par la Russie et par Moscou. Encore une fois, hein, c'est un grand mystère de sa vie. On ne sait pas pourquoi. Il est très vraisemblablement mandaté par la 4e internationale. À l'époque, ce serait à peu près logique. Est-ce qu'il apportait des fonds, de l'argent? On n'en sait rien. On ne sait pas. Il a été interrogé par le renseignement anglais. Ça, c'est quasi une certitude sur cette période-là. Après, on ne sait pas. En tout cas, quand il revient, c'est pas du journalisme qu'il va faire tout de suite. En tout cas, pas le journalisme tel qu'il va le pratiquer par la suite. Il va plutôt être une espèce d'illustrateur. Il va faire des petits boulots, des critiques aussi, des critiques de poésie. polar. Il va aussi, pendant une année, diriger une association, et ça a son importance, une association de fans de science-fiction suédoise. Il est en fait très, très versé dans la SF. On a retrouvé d'ailleurs, il y a quelques années, des écrits de Stieg Larsson, les premiers écrits qui étaient des petites nouvelles de science-fiction. Ces nouvelles, en fait, nous montrent que, déjà très jeune, en fait, il avait un talent de raconteur d'histoires. Voilà, il aimait raconter des histoires, il savait comment les construire. Et le fait qu'il soit fan de science-fiction, à mon avis, a facilité grandement son travail romanesque, puisque très clairement, en tout cas pour moi, la science-fiction, qui est souvent considérée comme un mauvais genre, est en tout cas pour moi un genre majeur dans sa capacité à construire des histoires et à nous faire voyager très très loin. Je pense qu'il n'est pas c'est pas anodin cette période où il a été très versé dans la science-fiction. Je pense qu'elle l'a aidé à devenir le romancier qu'il sera plus tard. Michael, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je veux que tu écrives une biographie de la famille Wanger. Je mets à ta disposition tous mes journaux intimes et mes archives. Tu pourras publier exactement toute la merde que tu trouveras. Les chefs et tendres le méritent. Je comprends pas, c'est une vengeance ? Non, un prétexte. Ce que je veux vraiment de toi, c'est autre chose. Qu'est-ce qui va le pousser à devenir journaliste alors ? J'ai envie de changer le monde. Je pense que alors on est là-dessus les points de vue divergent en fonction des gens qu'on rencontre, des amis qu'il a fréquenté. Je pense qu'il devient journaliste non pas pour changer le monde, mais avec un objectif très clair, c'est celui de se battre contre l'extrême droite, parce qu'il s'aperçoit que cet ennemi est toujours vivant, qu'il a déjà combattu depuis l'âge de 18 ans, et non seulement il est toujours vivant, mais il change de visage. Et Stieg Larsson, il est le premier, et ça c'est aussi une partie de Stieg Larsson, un visage de Stieg Larsson qu'il ne faut pas occulter. Il a été un des premiers à dire qu'il fallait se méfier de cette extrême droite qui était en train de revêtir en fait un joli costume, mais que ce joli costume ne dissimulait rien d'autre que l'ancienne extrême droite, c'est-à-dire la même extrême droite. Il a été le premier à dire que l'extrême droite était en mutation dans les sociétés nordiques, scandinaves, mais aussi en Europe. Quand vous dites le premier, c'est-à-dire avant même la qui a coûté la vie d'Olof Palme ? Il a été bien sûr bien avant le premier à dire que il y avait une métamorphose en fait de l'extrême droite, que l'extrême droite était en train de se camoufler, de revêtir des tenues de camouflage, et qu'il fallait impérativement faire un travail essentiel qui était celui de les démasquer. C'était tout le travail d'Expo, donc cette revue antifasciste qu'il va contribuer à fonder, c'était de démasquer en fait ces gens d'extrême droite qui n'avançait plus à visage découvert, le bras levé, mais en costume, à pas feutré, pour infiltrer en fait l'État, pour infiltrer les réseaux politiques, et surtout pour ne plus effrayer en fait les électeurs, puisque la base c'était la conquête du pouvoir, et on ne pouvait pas arriver à prendre le pouvoir si on ne se débarrassait pas de ses oripeaux. Voilà. Et ça très clairement, Stieg Larsson a été, alors si ce n'est le premier, l'un des tout premiers à pointer ce problème-là et à dénoncer en fait, alors le travail d'Expo, c'était de prendre en photo des militants d'extrême droite et de mettre des noms sous ces photos-là et de les divulguer et de dire cette personne-là, c'est pas autre chose qu'un néo-nazi, c'est pas autre chose qu'un membre d'extrême droite, c'est pas être... Il faut pas oublier qu'à l'époque quand même en Suède, l'extrême droite, nous on parle d'une extrême droite. En France, quand on parle d'extrême droite, on parle du Front National. Je ne vais pas dire que le Front National ne pose pas de soucis, sauf qu'à l'époque, l'équivalent en Suède, c'était pratiquement 250 personnes, alors une toute petite minorité, mais de personnes dangereuses, quasiment de tueurs, de gens capables de poser des bombes, de tuer par idéologie. Donc on parle d'une extrême droite extrêmement violente, et non seulement capable, mais qui est passée à l'acte. Mais comment juger le journaliste Stieg Larsson ? Journaliste militant, journaliste d'investigation, que valait son travail de reporter, Guillaume Lebeau ? Et Sigerson avait une énorme capacité de travail selon tous les journalistes qui l'ont rencontré. Il avait une capacité à prendre les dossiers à bras le corps et à vraiment les travailler jusqu'à épuisement. Je crois qu'il a tenu une stature internationale pour son travail sur l'extrême droite. Il intervenait à des séminaires européens. Il était reconnu comme étant un spécialiste de ce domaine. Sa capacité de travail, elle est un peu celle de, je dirais, beaucoup de Suédois. C'est-à-dire qu'il était, c'était jusqu'au burn-out. Hein. C'est café, junk food. Très curieusement, Lisbeth Salander se nourrit et Mikael Lundqvist se nourrissent quasiment de la même façon, avec des pizzas, du café, des pizzas, du café. Très peu d'exercice pour sa part, et c'est, il meurt d'une crise cardiaque. Hein, très jeune, à 50 ans. 50 ans. Il allait travailler, l'ascenseur était en panne, il allait à Expo, 7 étages pour monter dans les bureaux d'Expo. Il arrive dans les bureaux, il n'est pas bien, il y a un malaise, on veut appeler l'ambulance, il dit que non, ça va aller, il doit terminer un dossier, et puis finalement il s'écroule, et le temps que l'ambulance finalement vienne le chercher, l'emmène à l'hôpital. Il décédera à l'hôpital quelques heures plus tard. Il a jusqu'au bout travaillé. Donc, Quel était ce journaliste? Est-ce qu'il était militant, engagé? Moi, j'ai tendance à dire qu'il était engagé, voilà, beaucoup plus que militant. Il n'était pas militant. En tout cas, c'est pas l'impression qu'il donne à travers ses livres politiques. C'est pas l'impression qu'il donne à travers les témoignages qui ont été filmés, recueillis de son vivant quand il intervenait sur ces sujets. Je pense que c'était quelqu'un de profondément engagé et de dur dans son engagement, extrêmement dur. Et pour terminer, la série Millennium, c'est quoi? C'est vouloir concilier les deux passions, c'est-à-dire raconter sa vie de militant, de journaliste, mais aussi de passionné de science-fiction et de polar. Je pense que la série Millennium pour Stieg Larsson, c'était une façon de mettre peut-être le mot fin sur une vie qui l'avait épuisé, sur une vie qui l'avait finalement mené jusqu'à ouais, sauf que terme. Là, c'est de la fiction. Oui, et je pense que il avait éminemment conscience que cette fiction serait lue. Et que, puisqu'elle serait lue, il allait gagner de l'argent. Et il n'avait pas, dans les quelques témoignages qu'on a, les quelques mails qu'il a envoyés à certains de ses amis, il dit très clairement, je vais pouvoir m'acheter enfin cette petite maison dans l'archipel de Stockholm, que je vais pouvoir habiter avec Eva Gabrielsson, qui était sa compagne pendant 30 ans. Je pense qu'il était arrivé au bout de la logique de son combat, une logique qui l'avait amené à la fois à l'épuisement et puis peut-être à une volonté de, non pas peut-être prendre une retraite, mais en tout cas, de vivre, parce que en fait, jusqu'à 50 ans, il n'a quasiment pas vécu, il ne s'est pas marié à cause de son métier, il n'a jamais eu d'appartement propre, il a toujours été locataire, jamais d'argent, il a tout sacrifié à ça. Et je pense qu'à un moment, la fiction, c'était le moyen d'échapper, et un beau moyen d'échapper finalement, temporairement peut-être, ou peut-être définitivement en prenant cette forme de retraite, qui n'avait pas honte de d'appeler de ses voeux. Je crois que Millennium pour lui c'était ce projet-là, c'était le projet de finalement lever le pied, et peut-être enfin pouvoir se marier, peut-être enfin pouvoir avoir une vie, lui qui a sacrifié sa vie finalement à cette cause qui était le combat contre le fascisme. Millennium, autopsie d'un succès, c'était épisode 2 consacré à Stieg Larsson par Guillaume Lebeau, spécialiste des romans policiers et aussi auteur de Stieg Larsson avant Millennium, paru en 2012. Demain, l'épisode 3 sera consacré au personnage de la trilogie. À demain, Guillaume Lebeau. À demain. On se réveillera par un matin plus clair, sous un soleil plus chaud, pour une vie nouvelle. On se réveillera. Un autre jour est possible. On se réveillera. Par Toufik Hakem. Et nos yeux s'ouvriront sur un monde plus beau. Tous les matins sur France Culture. Et des pensées plus belles. C'est la rentrée sur France Culture et la rentrée rime aussi avec retrouvailles. Retrouvailles avec Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour. Bonjour Toufik. Ravi. Moi aussi, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été avec de belles lectures. Ah, bien sûr, je n'ai fait que ça. Alors, vos coups de cœur, puisque tous les mois, vous venez partager à ce micro vos coups de cœur littéraires. Alors, rentrée française. Rentrée française, bon, parce que c'est vrai que souvent on commence par ne parler que des Français. Eh bien, Simon Libératif est notre couverture, c'est vrai que... C'est étonnant. Oui, c'était quand même un choix qu'il a fallu faire, mais qui s'est assez vite imposé parce que Eva, c'est ce roman d'amour qu'il fait, est vraiment un roman extraordinaire, on a trouvé. C'est-à-dire que ce récit d'un homme qui, au milieu de sa vie, à 50 ans, va découvrir l'amour comme un jeune premier, il va sortir, il décrit quand même avec une grande minutie, une grande intelligence, le gouffre dans lequel il était tombé, et puis tout d'un coup, cet amour qu'il va découvrir et qui va le sauver pour Eva, qui est donc Eva Ionesco, ce personnage des années 70 qu'on avait découvert avec son film My Little Princess, où elle racontait ce que sa mère lui avait fait subir, comme sa mère avait fait des photos d'elle petite nue qui ont ensuite été vendues à des milliers d'exemplaires. Et bien c'est cette femme-là qui a été une icône dans les années 70 et qui a aujourd'hui 50 ans comme lui et qui va lui redonner le goût de la vie. Et c'est une histoire d'amour qui est assez singulière et extrêmement bien écrite. Main dans la main, on se réveillera. Deuxième coup de cœur, Mathias Hénard. Boussole, c'est édité par Actes Sud. Et là, on voyage. On voyage avec quelqu'un de très solitaire, de très bizarre, son personnage de Franz Ritter. Mais on voyage. Comme d'habitude, j'allais dire, avec Mathias Hénard. Oui, c'est vrai, on voyage surtout dans le Moyen-Orient. Hein, et c'est vrai que ce Franz Ritter est apparemment un Autrichien, mais finalement c'est quelqu'un qui appartient au monde. C'est un vrai roman cosmopolite que ce Boussole. Et là, c'est Mathias Hénard non seulement fait preuve d'une érudition qui est inouïe, on apprend des milliers de choses dans ce livre sur le Moyen-Orient d'hier, d'aujourd'hui, sur ses liens avec l'Europe, sur les écrivains. Mais aussi, je trouve que c'est un livre qui a une force politique, parce que ce qu'il nous dit sur la Syrie, ce qu'il nous dit sur Palmyre... Aujourd'hui, plus que jamais, ça résonne, effectivement. Ah oui, tout à fait. Quand on voit ce qui est arrivé à l'archéologue, directeur archéologue de Palmyre, on pense à ce livre de Mathias Hénard, aux richesses, à l'immense culture qui était là-bas, et que Mathias Hénard célèbre si bien. Alors, il est bien placé pour le Goncourt, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour parler des prix littéraires. Pour terminer cette sélection des livres de la rentrée de la littérature française, Eddie Cadour qui revient avec Les Prépondérants chez Gallimard. Et là aussi, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Et c'est aussi un livre politique. Oui, c'est un livre politique et pourtant c'est un roman historique. Mais c'est un livre politique parce qu'il relie les années 20. Il les relie alors lui aussi, il nous emmène en Algérie et puis en Europe. Mais il montre bien ce qu'était cette Algérie des années 20. Ce que je trouve bouleversant, c'est qu'il montre que la fin de l'Algérie française aurait pu se passer autrement. Qu'il y aurait pu avoir un espoir de paix, qu'il y aurait pu ne pas avoir cette guerre. Et il fait ça avec une connaissance historique, mais aussi un art romanesque, parce que finalement, il y a des personnages de femmes indépendantes, d'hommes qui sont finalement des hommes éclairés, eux aussi des cosmopolites. Et en ça, il est très très poche de Mathias Hénard. Il nous montre ce monde-là qui va accoucher du XXe siècle et de ses cauchemars, mais qui est finalement une époque où tout était encore possible. Et c'est très bien écrit. Voilà. Merci Auriane Jeancourt. On se retrouve dans un petit mois pour parler de littérature française et étrangère et en compagnie de Charles Dantzig. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. L'invité culturel. Et mon invité ce matin est John Wan, qui expose dans une ancienne église gothique transformée en lieu d'art contemporain à Montpellier, le Carré Sainte-Anne, et vous exposez jusqu'au 1er novembre art contemporain ou street art. Depuis le temps qu'on se connaît, John Wan, vous considérez comme artiste contemporain aujourd'hui? Oui. I mean, j'expose ici dans ce lieu prestigieux. Si l'exposition est là, remplie de couleurs. Et c'est pas dans la rue, c'est dans un vrai lieu organisé par Numa, qui est un curateur. Sinon, je ne me considère pas simplement un street artist, je me considère comme John One. Nous, on s'est connus quand vous veniez d'arriver en France, c'est-à-dire le début du hip-hop en France, du street art. Vous veniez de New York, de Harlem. Et puis très vite, vous avez été un des premiers artistes ici de cette génération à exposer dans des galeries. Donc vous avez fait tout de suite ce pas pour aller vers la peinture. Et là, c'est vraiment une exposition d'un peintre. Il y a des toiles en acrylique, même si vous continuez aussi à peindre sur des murs et vous avez utilisé... Non, je continue pas. Ça fait longtemps. À l'intérieur de l'église, attendez. À l'intérieur, oui. Ça, j'ai fait une petite installation qui va avec les reste à l'exposition, mais dans la rue, non, je n'expose pas. Vraiment, je ne mets pas mes œuvres souvent dans la rue. La dernière œuvre que j'ai faite est grandiose comme ça, publique, c'était à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui vous a valu d'ailleurs d'être honoré, vous avez été fait chevalier d'honneur, c'est ça? Oui, légende d'honneur, légende de la rue. Et c'est incroyable ça, parce que cette reconnaissance, c'était pas simplement à moi qu'ils ont donné ça, mais je pense qu'ils ont donné ça à une culture, à tous les gens qu'ils ont me soutenu et qu'ils étaient à côté à moi, de Agnès B, bien sûr, à Saïd Tagmaoui qui faisait la haine, à ma femme, mes enfants, à Christophe Milland et tous les galeries. Cette légende d'honneur était bien partagée. Alors, s'il fallait parler de cette exposition, qui est donc à Montpellier, au Carré Sainte-Anne jusqu'au 1er novembre, ce déluge de couleurs, et puis ce titre, Above and Below, ça veut dire quoi? Above and Below, comme le lieu c'était une église, moi qui est catholique, j'ai fait 13 ans d'école catholique quand même à les États-Unis, j'ai bien fréquenté les églises, et quand moi j'ai entré dans cet espace, la première chose que j'ai vue c'était le Christ, il n'y avait pas de Christ ici, et aussi les vitres, les vitrailles. Avec ça, ça m'a inspiré à faire mon exposition avec rempli de couleurs, oui. J'ai mis beaucoup de couleurs pour animer les... Donc vous êtes parti à partir du lieu, c'est en voyant le lieu que vous avez conçu cette exposition? Plus ou moins, oui. L'installation dans le milieu, c'est ma monde à moi, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, c'est toutes ces formes, les flèches, les nuages, c'est rempli de couleurs, j'ai fabriqué ça avec des plexis, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, et pour moi, c'est mon Christ qui manquait dans l'église. Oui, c'est mon monde à moi, oui. Est-ce que pour vous, l'art veut dire quelque chose? Pas forcément, mais je peux vous dire une histoire. C'est l'histoire de la fameuse toile que j'ai fait à l'Assemblée nationale, qui c'était l'idée de Monsieur Claude Bartolon, qui a eu l'idée de mélanger la tradition, la modernité. Ils nous ont basé cette toile-là sur la fameuse toile de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Quand j'ai fini la toile, Monsieur Claude Bartolon, il a choisi le 21 janvier 2015 pour faire l'inauguration de cette toile-là. Et moi, je pensais que ça va être une inauguration comme d'habitude, avec la droite et la gauche. Et c'était le 21 janvier, c'était le jour qu'ils ont coupé la tête de Louis XVI. Louis XVI, oui. So, je dis, oh là là, comme je fais ça à l'Assemblée nationale, ça va être monde, il y a personne qui va être d'accord ce jour-là avec la toile. Ils vont faire une dispute. Et malheureusement, très malheureusement, le 7 janvier, il y avait les attentats à Paris. So, cette toile, la liberté qui guide le peuple, ça a pris un autre sens. Pas simplement pour moi et M. Claude Bartolon, mais pour toute une génération qui ont fait des démonstrations à République qui se battait pour la liberté. So oui, une toile pour voir une autre signification avec le temps. Merci, John Wayne. Oui, merci à vous.